TalkingBrew.com. Venu de l'enfer, dans un cauchemar je m'éveille. Tristesse et rêve, philosophie instable car on saigne. On s'aime puis on cède, on a mal donc on observe. On s'obsède, c'est obscène, on regrette tellement qu'on s'aime. On vit dans le passé car notre présent est truqué. On a beau m'inculquer des valeurs, je resterai toujours l'inculpé. Sinistre, malheureux, problème de cœur présent. Les meilleurs parcs, les premiers, donc ai-je raison d'être absent. Reconverti dans le social, tout faux, rien de sociable. Peu bavard et triste, écrit mes couplets dans les halls sales. Couplé mais coupé reste hard et altruiste. Seul un pont descend en hauteur tel un alpiniste. J'ai hurlé, exhumé, exulté de mon passé. J'ai froissé, les rappeurs sont aigris et mal classés. Frimeur, primeur, anxieux et videur. Pointeur, winner, quelques mots d'un cœur. Cette vie nous assassine. Autour de nous la peine zézine. Y'en apaise nos âmes. On oublie quand le mal nous charme. Ce que j'ai sur le cœur, c'est le reflet de nos peurs. Réconforté par mes pères, silencieux et avare. Loin du succès de l'école populaire comme Harvard. Mon cœur aime perdu, me retrouve en Sicile. Peu importe qui est là, moi je fais confiance car il a. J'ai pleuré des larmes, échoué dans les ordures. Si les balles te tuent, sache que les paroles, elles, te torturent. Élevé dans la crainte, dans ce système en désordre. Est-ce une honte que de dire que la ceinture a fait de nous des hommes? Papa est parti, je suis resté soudé à la daronne. Ni baron, ni peine, seuls les problèmes me questionnent. Valoriser, peu importe, c'est mes histoires de cœur. Saines jusqu'à la mort, jusqu'en subir nos peurs. Nos craintes sont réelles, obscènes et cruelles. Meurtrier d'état, Inch'Allah, on verra le bout du tunnel. On m'insulte comme un Haki, trimé comme un Paki. Mandat dépôt, une seule chose à dire, moi, je t'aime l'Elbi. Cette vie nous assassine. Autour de nous la peine zézine. Y'en apaise nos âmes. On oublie quand le mal nous charme. Ce que j'ai sur le cœur, c'est le reflet de nos peurs. Cette vie nous assassine. Autour de nous la peine zézine. Y'en apaise nos âmes. On oublie quand le mal nous charme.